Et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr en direct le lundi sur l'antenne du 94 MHz à partir de 21h30 et des poussières, également diffusé sur le blog asile35.blogspot.fr ou sur le mixcloud.com/redman. On attaque la sélection de nouveautés dans les musiques de traverse avec un disque du passé. Il s'agit du disque Belladonna de Masahito Sato, une bande-son écrite par le compositeur du même nom qui a sorti des disques un tantinet prog, notamment aux côtés de Stomu Yamatsuta ou encore des gens du jazz tels que Pierre Favre, Wolfgang Donner et autres Karl Berger. Et il a signé la bande-son d'un film d'animation qui avait été produit en 1973 par Eiichi Yamamoto, un obscur dessin animé de la contre-culture de l'époque, un peu du même tonneau que Planète Sauvage de Lalou Topor et autres Marie Mathématique de Jean-Claude Fourest. Donc Belladonna la sorcière, libre adaptation de La sorcière de Michelet. Des extraits d'ailleurs disponibles sur internet, une bande-son totalement dans l'esprit jazz-rock funk de ces années-là, et ça vient tout juste de revoir le jour grâce aux bons soins du label Finder Keepers Records, qui ne sont pas tellement en reste pour nous alimenter en joyeuseté et bizarrerie en tout genre. Je crois que ça n'avait pas été réédité depuis la parution en vinyle en 1975 sur le label italien Cinevox. On écoute le titre Take It Easy par Masahito Sato. Voilà, pour démarrer le programme des joyeusetés de l'Asile le plus sûr, on a entendu tout d'abord cet excellent disque de Masahiko Sato, Belladonna of Sadness ou Belladonna tout court. Excellent disque réédition de fin d'année, de Noël, des Finder Keepers, donc cette bande originale du film Kanashi Mino Belladonna, en nippon dans le texte, de Eiichi Yamamoto, le bien nommé, un film d'animation de 1973. Je crois qu'il y a des côtés un peu érotico, un peu bizarroïde, un peu psychédélique aussi de l'époque. En tout cas, la bande sonore l'est tout autant. Alors, il y a des côtés un peu kitsch, notamment des parties un peu chantées par la compagne de Monsieur Sato de l'époque. Mais sinon, c'est vraiment très très recommandable, ce Belladonna de Masahiko Sato, si vous aimez les bandes son un peu funky des années 70, qui tirent aussi un peu vers le jazz free et autres mixtures jazz rock. Voilà, on a enchaîné la musique de Monsieur Sato avec celle des Apat, le fameux groupe britannique de Liverpool, dont l'acronyme est All Porn All The Time, qui est apparemment une réflexion d'une nymphomane dans un film sur le futur de la télévision. Voilà, donc pour Apat, on les appelle principalement Apat avec des points entre chaque lettre, et ils reviennent avec un nouveau disque sur étiquette Pickled Eyed Records sous le titre Fun With Music. Ça fait un petit moment qu'ils n'avaient pas sorti de disque, les Apat, je pense 2-3 ans à peu près. Il y a des titres qui sont écoutables d'ailleurs sur leur SoundCloud, à l'image de ce titre qu'on entendait, Gives My Regards to Bold. Alors ça vaut pas la musique qu'ils produisaient il y a de ça quelques années, notamment l'excellent album Black and White Mass, qui était dans un esprit très Frank Zappa, joué à 200 000 à l'heure, avec des idées qui fourmillent. C'est un tantinet plus calme, peut-être plus composé aussi, ce Fun With Music de Apat, mais c'est plutôt pas mal. Et c'est édité sur Pickled Egg Records en CD depuis la fin de l'année dernière. Voilà, on va enchaîner avec tout autre chose et une séquence qui va s'acclimater un peu au temps qu'il fait dehors, une séquence de musiciens nordistes, norvégiens très exactement. Il s'agit d'un trio qui répond au nom de Crocophant, qu'on avait découvert à l'occasion de leur disque éponyme qui était sorti, je crois, il y a de ça 2 ans, sous étiquette Rune Gramophone. C'est un trio, power trio entre free jazz et free rock, dans lequel on retrouve le guitariste Tom Aslan, Axel Skastad qui est au percussions et Jorgen Mathisen au saxophone. Alors ça fait pas mal penser aussi à un certain jazz rock côté Mahavishnu Orchestra et autres, Terje Riptal, donc jazz rock des années 70, mais c'est plutôt pas mal. Ils ont tout bonnement appelé leur deuxième sous le titre 2 en chiffres romains, ce qui est plutôt une très bonne idée quand on n'a pas d'inspiration. En tout cas, on va écouter le titre Sail Ahead de Crocophant. We'll be right back. Je vous avais prévenu que ça a réchauffé le cœur, ces musiciens nordiques, le cœur et l'atmosphère. Tout d'abord, des Norvégiens en la personne de Crocophant, le trio guitare, batterie, sax, qui est plutôt pas mal. Ce deuxième disque, tout bonnement intitulé 2 en chiffres romains, sorti par Rune Gramophone. Ça sort ces jours-ci, très exactement, en CD et en vinyle. Un disque qui est un peu à l'image du premier, donc un genre de power trio qui vire un peu jazz rock, mi-improvisé, avec aussi des côtés un peu mat rock, un peu plus contemporain aussi dans certaines impros. C'est plutôt pas mal. Crocophant avec 2K et FANT à la fin, et on a enchaîné leur musique avec celle des Suédois de Fire, le fameux trio de Mats Gustafsson de The Thing, en compagnie de Johan Bersling de Tape, qu'on avait aussi écouté très récemment en compagnie et en brillante compagnie d'Oren Ambarchi. Et le troisième est un tantinet moins connu, le batteur, et c'est bien dommage parce qu'il est vraiment excellent, Andreas Werlin, qui lui joue dans Peace Drums et Wild Birds. Alors ça fait un petit moment qu'ils jouent ensemble, 12-15 ans je pense à peu près. C'est leur troisième disque qui sort ces jours-ci, lui aussi sur Rune Gramophone également, sous le titre She Sleeps, She Sleeps. Là on a entendu un titre assez court, les autres sont avoisinent les 10-12 minutes à peu près, et comme toujours une musique très très brillante pour Fire avec un point d'exclamation s'il vous plaît. Fire qui a aussi une déclinaison en version grand orchestre, le Fire Orchestra, qu'on avait eu la chance de voir à Nantes il y a de ça quelques années, dans laquelle d'ailleurs il y avait aussi Oren Ambarchi, des chanteuses et puis pas mal d'autres soufflants. Et Fire qui sera en tournée en France cet hiver, mais ça passera pas par Rennes malheureusement. Fire qui jouera en Bretagne en compagnie de Luft. Luft qui est le projet du joueur de Cornemuse, Cornemuse électrifiée avec pas mal d'effets Erwan Keravec. Donc il y a une tournée Luft et Fire qui jouera notamment à Lorient. Si vous êtes par là-bas, ce sera au Théâtre de Lorient le 18 mars et la veille à Pénard Jazz à Brest. Donc toujours Luft en compagnie de Fire. Il y aura aussi une date à Avignon proposée par La Chemie. Et c'est tout, donc pas d'autres propositions pour le moment pour l'excellent trio Fire. Et c'est bien dommage. Voilà, on va enchaîner avec une musique nettement plus électronique cette fois-ci. Il s'agit d'un excellent projet qui répond au doux nom de département d'éducation psychique, ce qui sonne plutôt pas mal aux oreilles de l'asile le plus sûr. Et le disque s'intitule Musique improvisée. Il est sorti, il y a de ça déjà quelques mois, c'est sorti à la rentrée dernière du mois de septembre sur le label Acido Records. Et dans ce projet département d'éducation psychique, on retrouve des musiciens plutôt coutumiers de sessions un peu électroniques façon musique répétitive de l'époque de Chicago, de la techno d'il y a quelques années. On retrouve notamment le projet SVN Science versus Nature de New York, le duo entre Christian Haidt et Kylie Thompson. Et ils sont en compagnie également d'un autre duo qui s'appelle Dynamo Driesen, qui doit être allemand je crois, avec lequel ils collaborent assez régulièrement. Et la cinquième personne m'a assez étonné, il s'agit du fameux joueur de VCS3, le synthétiseur analogique des années 70, Jean-Marc Foussa, qu'on connaît surtout par ses frasques dans les scènes improvisées et free depuis une bonne quarantaine d'années, on va dire, au bas mot, et qui est très très présent ces derniers temps grâce à son label Fou Records. Et donc là, il s'est coquiné de ses quatre musiciens électroniques pour une session enregistrée dans son salon à Paris en juillet 2014. On va écouter un extrait de la face A de ce musique improvisée qui est vraiment très très chouette, comme je vous disais, la musique de ce département d'éducation psychique. On écoute un extrait de ce musique improvisée. Thank you. une séquence de musique électronique comme on les aime dans les îles les plus sûres qui a démarré avec l'excellent projet département d'éducation psychique, le super groupe dans lequel on retrouve SVN, Dynamo, Drizen et Jean-Marc Foussa. Le disque s'intitule Musique improvisée, paru sur label germanique qui répond au nom de Acido Records, ce qui est plutôt un nom qui correspond à la musique qu'on entendait entre musique un peu acide, technoïde, tout potentiomètre et court-circuit dehors, et un côté aussi un peu strobing crystal ou autre coil, un côté un peu post-industriel aussi dans la musique du département d'éducation psychique. Une session improvisée donc dans le salon de Jean-Marc Foussa. Alors j'imagine assez ce qu'ils peuvent produire sur scène quand j'entends ce qu'ils peuvent produire en chaussons. Voilà donc, j'espère qu'ils vont, faire des tournées mondiales avec ce groupe département d'éducation psychique. En tout cas, vous pouvez vous ruer sur ces deux faces de cet excellent vinyle publié à l'été 2015. Et on a enchaîné avec une redécouverte et un 45 tours, là encore, que nous devons au bon soin de l'excellent label Finder Keepers Records, donc qui n'est jamais en reste en joyeuseté et bizarrerie, comme je vous le disais, qui vient de sortir ce 45 tours de John Appleton, musicien électroacoustique et pionnier de l'électronique américain, en compagnie du cornettiste, trompettiste de poche Don Cherry. Ils avaient collaboré ensemble à la fin des années 60, s'en était suivi un disque, donc enregistré en 1969, qui était sorti sous le titre Human Music, sous étiquette Flying Dutchman. Ça avait été réédité il y a ça quelques années, je m'en souviens très très bien, comme si c'était hier, cet excellent CD sous étiquette Water Records. On vous avait passé ça à l'époque, on devait être encore, non, on n'était plus à Bru, on était dans les anciens locaux de Canal B quand il y avait eu la réédition de ce John Appleton et Don Cherry. Et le label Finder Keepers qui a édité il y a de ça quelques mois des 45 tours des musiciens de la scène jazz free, notamment la rencontre entre François Tusk et Don Cherry, a eu la bonne idée de rééditer les bonus qui n'étaient pas parus sur le vinyle d'époque Human Music, mais qui figuraient sur cette réédition du milieu des années 2000. Voilà donc pour le 45 tours de titres entre John Appleton et Don Cherry. John Appleton qui est toujours en vie, qui est quelqu'un d'assez important dans les musiques électroacoustiques, assez proche aussi de ses collègues européens. Il a été enseignant au collège de Dartmouth et c'est lui qui a inventé le synclavier dont jouait beaucoup Monsieur Zappa, donc instrument électronique un peu préhistorique. On va continuer avec une formation allemande. Là, c'est vraiment la découverte de la semaine. Ils répondent au nom de Brandenschnur. Alors, je ne sais pas si je le prononce très très bien. C'est un duo mixte. Cathy Rich est au chuchotement assez bizarre. Et Christian Chopic. Tous les deux, ils produisent une sorte de dark folk assez relevé, à la sauce assez relevée, mélange musique nouvelle, dark folk, il y a de l'accordéon, il y a un côté un peu spectral, il y a un côté aussi un peu guitare, flûte, tout ça mélangé dans la musique de Brandenschnur, avec deux N à Branden, et on ne les connaît pas du tout puisqu'ils ont uniquement sorti des 4-7 jusqu'ici, et le label, l'excellent label belge Aguirre Records, dont on suit les frasques assez régulièrement, a eu la très bonne idée de publier un vinyle de ces deux-là. Ça s'intitule Summer Hymn Fitzschein. Là encore, je le prononce comme je peux. Et on écoute un titre, deux titres même, enchaînés de cet excellent projet Brandenschnur. On va écouter la deuxième pièce. Là, je ne me risquerai pas à la prononcer. On écoute ça tout de suite dans l'Asile plus sûr, le combo Brandenschnur. Thank you. Thank you. ambiante post-industrielle sur l'antenne du 94 MHz dans l'asile le plus sûr, avec tout d'abord deux titres enchaînés de l'excellent duo Brandenschnur et son disque Summer in Fierstein. C'est sorti sur Aguirre Records, excellente étiquette belge. Et à l'instant, on entendait le projet solo Crémation Lily, qui est une autre découverte de la semaine. Crémation Lily, qui est le projet d'un Britannique qui répond au nom de Zen Zigo. Alors je suppose que c'est un pseudo. Apparemment, il est assez connu dans les scènes métal, le monsieur, pour avoir été le batteur, bassiste ou bassiste guitariste d'une formation qui répondait au nom de Bound Bible. Bon, totalement inconnu en ce qui me concerne. En tout cas, son projet Crémation Lily est plutôt pas mal dans le travail de texture. Alors ça respire pas la franche gaieté évidemment, la Crémation Lily, mais c'est plutôt intéressant. Il y a eu un disque qui était sorti en 2014, qui était sorti sur Alter en vinyle, et puis des choses aussi sur Harbinger Sound, et puis beaucoup de cassettes, un rythme très très très régulier à l'image de cette bande sous le titre Sea Spray Perfumes, sorti sous étiquette Joie de Vivre avec un Y, Joy de Vivre. Voilà donc pour Crémation Lily, qui est un projet plutôt intéressant dans l'ambiance un peu post-industrielle. On va continuer avec une nouvelle séquence de free jazz et un musicien que j'ai découvert récemment qui répond au nom de Boris Hauf, qui est un multisaxophoniste. Je vous avais passé sa musique déjà il y a de ça quelques mois dans l'asile le plus sûr, avec un projet qui sonnait un peu free rock, free jazz. Il s'agit d'un saxophoniste d'origine autrichienne, né à Londres, qui vit en Allemagne et qui collabore principalement aux côtés de musiciens de Chicago, des gens du free jazz de Chicago. Et il a une formation en sextet qui vient tout juste de ressortir un disque. Ça s'intitule Next Delusion, ce projet. On y compte pas moins de trois saxophonistes. Jason Stein est à la clarinette basse, et Keith Jackson au sax ténor, et trois batteurs, Frank Rosali, Michael Hartmann et Steven Ace, donc principalement des gens de Chicago. Ils avaient fait paraître il y a de ça 2-3 ans un premier disque qui était sorti sous étiquette Clean Feed, c'était en 2012, voilà, très exactement. Et ils récidivent donc avec un live cette fois-ci, le Boris Hauf Next Delusion Live in Chicago. Le disque est vraiment très très très bon. On va écouter, bon, il n'y a pas tant que ça de pièces puisque les morceaux sont évidemment très très très longs, et je propose d'écouter la face A, le titre qui démarre, le morceau Bleed par l'excellent projet de Boris Hauf, le Next Delusion. Du free apocalyptique hyper intensif sur l'antenne du 94 MHz avec cet excellent projet sorti sous étiquette Shameless Record du Next Delusion, le sextet de Boris Hoff, saxophoniste qui adore le baryton et les sonorités très très graves dans le registre intensif aux côtés de Kefé Jackson, Jason Stein, Frank Rosali, Stephen Hayes et Michael Hartmann. On vous avait proposé il y a de ça quelques mois son projet en quartet sous le nom de The Peeled Hide, à monsieur Boris Hoff, et c'est vraiment quelqu'un d'assez renversant, avec donc son propre label Shameless Records qui édite des très très belles galettes vinyliques. Voilà, l'émission touche à sa fin. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette playlist sur le site asile35.blogspot.fr avec les podcasts, également le stream à partir du mixcloud.com/redman. On va se quitter avec un dernier titre et un morceau à la contrebasse, puisque je me disais qu'on n'a pas entendu assez de contrebasse dans la séquence qui précédait. La musique de monsieur Stefano Scodanibio, qui est un contrebassiste qui jouait dans le domaine du jazz et aussi surtout de la musique contemporaine, élève de Fernando Griot et collaborateur de Terry Riley. On l'avait notamment connu pour un disque d'ailleurs en duo en compagnie du musicien minimaliste qui était sorti sur Wirgo au milieu des années 2000. On vous avait proposé ça aussi à l'époque dans Les Îles le Plus Sûr, le disque Diamond Fiddle Language. Et monsieur Scodanibio nous a quitté en 2012 et un disque de pièces inédites est sorti il y a de ça quelques mois sous étiquette italienne Idici di Angelica sous le titre In Country et Réunionnes, un disque donc on le retrouve aux côtés de quantité de musiciens, Terry Riley et de la partie, Juan Desaran aussi au violoncelle, Garth Knox à l'alto, il y a aussi des trombonistes, il y a Tristan Singer au violoncelle ainsi que France-Marie Huit, Bruce Ackley au saxophone et aussi un percussionniste. Donc un disque très très très bien masterisé et très bien produit par cette excellente étiquette qui se consacre à l'improvisation contemporaine Idici di Angelica. Et on va se quitter avec un titre proposé par monsieur Scodanibio en hommage to GS, donc l'acronyme de Giacinto Scalzi, une musique spectrale très propice à un décollage à la verticale. Je vous souhaite une excellente nuit, une très très belle semaine, à bientôt. I'm a gibbet.

Thank you.